cours numéro 1. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira. Amma ba'd. نبدا باذن الله عز وجل في هذا اليوم هذه الدروس في التوحيد et on commence par شرح الاصول الثلاث للامام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه avec le شرح de الشيخ العلامه عبد العزيز ابن باز رحمه الله et cette matière التوحيد c'est la matière la plus importante قال عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قال ابن عباس يوحدون ليوحدون الله سبحانه وتعالى il a créé العباد que pour l'adorer seul et انت عبد من العباد فعليك ان تجتهد في هذا الباب tu dois faire des efforts adorer Allah سبحانه وتعالى seul توحده في عبادتك توحده في الربوبيه توحده في أسمائه وصفاته قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا أي ils ont été ordonnés que de faire هذا adorer الله عز وجل seul قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في فتاوى التوحيد موضوع عظيم c'est un sujet عظيم قال وهو أساس الملة C'est la base de cette communauté, de l'mille, cette tawhid. قال وأساس جميع ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم. Tous les messagers de Nuh عليه الصلاة والسلام jusqu'à notre prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés pour qu'ils appellent au tawhid. قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون Tous les messagers, ils ont été envoyés que pour هذا تحقيق الشهادة Et c'est ça معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى Personne ne mérite d'être adoré sauf Allah Donc on doit faire des efforts في هذا C'est ça le but de notre création. Allah nous a créé pour ça. On doit faire des efforts. قال الإمام الألباني رحمة الله عليه في رسالته النافعة التوحيد أولا قال فقد لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يصرف وقته وجل اهتمامه للدعوة إلى التوحيد 950 ans عليه الصلاة والسلام Il fait da'wa à son qawm, il a fait da'wa à son qawm, il les appelait à tawhid. Nuh, alayhi salatu wassalam. Qala wa yaqtadhi dhalik minna an nabda bima bada'a bihi nabiyuna sallallahu alayhi wassalam. Donc on doit, kadhalik nahnu, commencer par ça. Commencer par ça dans l'apprentissage et commencer par ça dans da'wa, à tawhid. C'est pas mina al-hikma de faire passer des choses avant tawhid. Tu trouves des prêcheurs, ils font des doros, ils ont une da'wa, et ils parlent rarement, s'ils parlent, de tawhid. Et ça montre qu'ils ne suivent pas la da'wa de l'anbiya ou le rasul. قال الإمام الألباني وهو إصلاح ما فسد من عقائد المسلمين أولا. On doit commencer par هذا. Si le tawhid est bon, Inch'Allah, tout ce qui vient après, il sera bon. لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا الخالص. قال عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك Si tu fais du shirk akbar, Allah il annule toutes tes œuvres. Donc, fonder, baser ton dîn sur tawhid, Inch'Allah tu préserves tous tes a'mal. Bien sûr, s'ils sont fondés sur l'ikhlas et sur mutaba'at al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc on fait des efforts. هذا التوحيد c'est un sabab azim في الفلاح في الدنيا والآخرة قال ابن القيم رحمة الله عليه فاعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا في محبته ولا في خوفه ولا في التوكل عليه ولا في العمل له ولا في الحلف به أو الحلف به. نعم ابن القيم الآن يتسيد des exemples de عبادات. T'as pas le droit d'associer quiconque à Allah subhanahu wa ta'ala. لأن العبادة c'est حق الله. قال on résume من حاجة الجسد إلى روحه. Comme ton jasad, ton corps, il a besoin de ruh, ton âme, sinon c'est un corps, il est mort, il est plus vivant. Hakada, ton din, il a besoin de tawhid. S'il a pas de tawhid, c'est un din, il a pas, il est pas vivant, il est mort. Qala wal ayn ila nourha, bal laysa li hadhihi al haj nadhir tuqas bih, fa inna haqiqat al abd ruhuhu wa qalbuhu wa la salah laha illa bi ilahiha alladhi la ilaha illa hu. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé pour had. Donc on doit faire des efforts fi hadhihi ad-durus fi at-tawhid. Chaque muslim il doit donner du temps. Qala subhanahu wa ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah c'est tawhid. Un ordre min Allah fa'lam. Chaque muslim il doit connaître ces choses fi at-tawhid, des bases. قال ابن القيم كذلك في الوابل الصيب أما la première parole c'était من طريق الهجرتين قال في الوابل رحمة الله عليه ولما كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله عز وجل حرم الجنة على أهله ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. L'importance de connaître le tawhid et l'importance de connaître ce qui contredit هذا التوحيد الشرك. لأن الشرك صاحبه الجنة لحرام عليه. Il a pas le droit de rentrer dans le jannah. S'il meurt à la shirk al-akbar. S'il fait tawba, فالله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب. أما s'il meurt على هذا الحال, فالجنة عليه حرام. Et ça c'est une مصيبة. قال فلا تدخل الجنة نفس مشركة. Pas de مشرك في الجنة. قال وإنما يدخلها أهل التوحيد. Ça montre فضل عظيم من فضائل التوحيد. الموحد يدخل في الجنة. قال فإن التوحيد هو مفتاح بابها. الجنة كما تعلمون على des portes. La clé pour rentrer c'est le tawhid. Celui qui a pas la clé il rentre pas. Et le mushrik il a pas la clé. قال فمن لم يكن معه مفتاح لم يفتح له بابها. Celui qui a pas de clé il pourra pas ouvrir la porte. La porte elle ne sera pas ouverte. قال وكذلك إن أتى مفتاح لا أسنان له لم يمكن الفتح به. كذلك celui qui vient avec une clé et cette clé elle a pas de dents, la porte elle lui sera pas ouverte. Ibn Qayyim il te montre أن التوحيد qui ouvre les portes c'est توحيد الرسل. بعض الناس يفكر que التوحيد c'est الربوبية فقط. هذا حتى كفار قريش ils l'ont reconnu, ce توحيد il suffit pas. توحيد العبادة, adorer Allah seul et s'écarter du shirk. Pas de sacrifice pour autre qu'Allah. Pas d'invocation dans une chose qu'Allah qui peut te donner à autre qu'Allah. Pas de salat li ghayrillah, pas de tawaf li ghayrillah, pas de sujoud li ghayrillah. C'est ça le tawhid. Adorer Allah seul et ne rien lui associer. كذلك, le tawhid c'est un sabab azim pour takfir al-dhunub. Parmi les plus grandes causes qui effacent les péchés al-dhunub, c'est le tawhid. قال ابن رجب رحمه الله فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب. Si il applique tawhid avec ses شروط, avec sa langue, avec son cœur, avec ses membres, c'est une des plus grandes causes qu'Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne ses péchés. وحديث البطاقة il est معروف عندكم. يوم القيامة une personne elle va venir. Et cette personne elle aura plein de nous, beaucoup de nous. Thumma Allah subhanahu wa ta'ala il va dire à cette personne lakin t'as une hasana. C'est une bitaqa comme une carte, c'est écrit la ilaha illallah. Et c'est un mouahid. Rajul, ou cette personne elle va être étonnée, elle va dire qu'est-ce qu'elle va faire cette bitaqa, cette carte avec tous ses dhunoub. Allah subhanahu wa ta'ala la yadhlim ahad. Cette hasana elle sera pesée. Quand cette hasana elle sera mise sur un côté de la balance avec toutes les sayyat, la balance, elle penchera du côté de la ilaha illallah du tawhid. Et Allah lui pardonne ses fautes. Hada, c'est un fadl azim. Lakin, avant tout ça, il faut faire des efforts fi ta'lim. Il faut faire des efforts fi l'ibada, fi tawhid. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et bien sûr, connaître le shirk. Il y en a celui qui ne connaît pas une chose, il peut tomber dans cette chose. Ala hada, si tu as compris ses bienfaits, l'apprentissage du tawhid, c'est muhim. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين أي طلب العلم في الحقيقة دي مسائل c'est pas pour tout le monde c'est كفاية si certains de la communauté ils apprennent le reste ils n'ont pas besoin d'apprendre et ils reviennent aux savants dans certaines choses مثل العوام on peut pas un ami le mettre au niveau d'un alim il doit apprendre comme l'alim non l'ami revient à alim لكن il y a des choses c'est tout le monde tout le monde doit connaître ces choses قال مثل طلب كل واحد علم ما أمره به وما نهى عنه فإن هذا فرض على الأعيان les choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné ou interdit et pour chaque musulman on doit connaître قال عز وجل فعلم أنه لا إله إلا الله ça c'est un délil ça montre que tout le monde est concerné c'est pour ça que nous on commence par هذا لأن c'est un باب عظيم قال الإمام أبي العز رحمة الله عليه اعلم أن التوحيد هو أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق première chose première étape c'est التوحيد قال وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل دعوة الرسل ils ont commencé par هذا لأن si ton توحيد est صحيح inshallah si tu fais des efforts après ça sera fondé sur ce توحيد صحيح أما pas de توحيد et des œuvres les œuvres elles ne sont pas acceptées qu'avec ce توحيد donc c'est clair qu'on doit commencer par cette base قال ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله première chose qui est obligatoire pour chacun d'entre nous c'est la ilaha illallah قال وأول ما يدخل به في الإسلام un converti qui veut rentrer في الإسلام la première chose qu'on lui explique c'est التوحيد لا إله إلا الله s'il accepte et il prononce c'est un musulman فالحمد لله c'est ça الدين Ça commence par cette étape. Donc, on doit faire des efforts dans l'apprentissage. قال وآخر ما يخرج به من الدنيا كذلك c'est التوحيد. Première chose par laquelle tu rentres dans l'islam, c'est التوحيد. كذلك la dernière chose, c'est التوحيد. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. Enfin, celui, sa dernière kalima, c'est la إله إلا الله avant de mourir. Inch'Allah, c'est une alamat khayr. Donc on commence par tawhid et on finit par tawhid. Pourquoi? Parce que Allah il nous a créé que pour ça. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Première étape tawhid, dernière étape tawhid. Celui qui meurt à la hada, et sa vie c'était tawhid, il est min ahli al-jannah. قَالَ فَهُوَ أَوَّلْ وَاجِبْ وَآخِرْ وَاجِبْ Inch'Allah, on commence cette risale, al-usul al-thalat, et on conseille les frères l'apprentissage, wa inshallah antum. Vous l'apprenez, walillahil hamd, et vous révisez, chacun y récite sur son frère, et vous répétez. L'apprentissage par cœur, il faut répéter. Tu vas voir qu'au bout de 5, 10 fois, 15 fois, ça sera mémorisé. Tu apprends petit à petit. Là, qu'il continue. Continue, hatta ça reste. Ça reste ma'ak, incha'Allah ta'ala, khasatan avec la révision. Enfin, répétez. Répétez beaucoup dans l'apprentissage. Écrivez aussi, c'est une méthode tayyiba. Et des petits passages, on lira le kalam de Cheikh al-Islam et on expliquera avec la parole de Cheikh Ibn Baz, donc chaque cours on prendra un peu. Inch'Allah, si vous apprenez et vous suivez avec le cours, tayyib, et avec la compréhension, ça reste encore plus. C'est pour ça que c'est tayyib d'apprendre par cœur en même temps que le cours, avec l'explication, ce que tu as appris par cœur, ça reste encore plus. Enfin, on commence ensemble l'étude de cette risale. العظيمة النافعة المشهورة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه ست رسالة كيكون عند الإخوان الأصول الثلاثة c'est des fondements طيبة pour débuter, pour commencer dans طلب العلم في علم التوحيد خاصة et comme on a dit elle est مشهورة كثير من إخواننا والله الحمد لله connaissent par cœur Et les savants de la sunna, ulama, al-islam, ils ont donné beaucoup d'importance à cette risale. Les annaha, c'est un miftah tayyib. C'est une clé pour commencer. Et nous, ensemble, wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadat, on va lire sharh Cheikh Abdelaziz bin Baz, rahimahullah, al-imam, al-mashhour. Il a des ta'liqat tayyiba ala al-usul al-thalat. À la base, c'est des audios. Et ils les ont retranscrits. Et on a choisi ce charh, il est simple, il est mukhtasar. كذلك, on l'a choisi, On avait déjà étudié avec nos frères, quand on était à Dommage, dans le hadith, on avait étudié le charh de Cheikh Ibn Uthaymeen, et c'est min ahsan al-shuruh. Enfin, pour changer, étudier un autre charh, c'est taïb. Et les ulama, ils ont beaucoup de shuruh. Minhum, Cheikh Salih al-Fawzan, il a un charh taïb. Cheikh Mohamed Aman, rahmatullah alayhi al-jami, il a un charh taïb. On peut citer كذلك Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhal, il a un charh taïb. شيخنا يحيى وفقه الله وحافظه إلى شرح طيب مختصر على كل حال طالب العلم يفيد زفر sur le متن أما الشروحات تستفيد منها et t'en étudie un résumé sur Cheikh Ibn Uthaymeen ou sur Cheikh Ibn Baz ou autre et tu ركز على المتن tu fais des efforts sur le متن tu l'apprends par cœur et l'essentiel c'est de comprendre le متن. Amma shuruhat, c'est pas un problème, les anna, tu reviendras, et nous on conseille aux frères de lire shuruhat ahlil ilm, khassatan des shuruh simples, et tu peux revenir à tout moment. Qu'est-ce qu'il a dit Cheikh Al-Fawzan? Qu'est-ce qu'il a dit Cheikh Zayd dans cette masala? Est-ce qu'il a cité un exemple? Amma al-mat, si tu l'as compris, inshallah, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel que tu comprennes al-mat et les adillah qu'il a cités. La plupart c'est des adillah. Il cite l'islam, l'iman, l'ihsan, il cite un dalil. Il cite un dalil sur al-dhabh c'est une ibada, il cite le dalil. Al-nadr c'est une ibada, il cite le dalil. C'est ça l'essentiel. Et tu dois comprendre que l'ibada c'est pour Allah, seul, sans associé. Celui qui adore autre qu'Allah c'est un mushrik. C'est ça le but. Amma tout ce qui cite le shir comme exemple, surtout les shuruhat, c'est des audios à la base. Pas mal le cheikh ici des exemples et tu lis et t'astafides. L'essentiel et les efforts c'est sur le matn. Et le cheikh t'aide à comprendre le matn. Rentrer dans les détails et oublier le matn, pourquoi le cheikh il a cité telle chose à tel endroit, tu ne tireras pas profit comme il faut. Hada wa billahi tawfiq. Qala cheikh al-islam محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل قبل هذا الشيخ عبد العزيز يقول في المقدمة قال هذه رسالة مهمة في العقيدة في التوحيد والعلماء يسيت souvent العقيدة pour dire التوحيد وإلا quand ces deux mots ils sont cités ensemble. Beaucoup de ulama ils veulent par l'aqida tout ce qui est lié au nom et attribut au sifat d'Allah Azza wa Jal, tout ce qui est en rapport avec yawm al-qiyama, umur al-ghayb, avec l'iman, avec le qadr. Maintenant dans l'aqida, un des livres de base c'est al-lum'a, lum'atu l'i'tiqad l'imam ibn Qudama, كذلك al-wasitiyya li shaykh al-islam. Et quand il cite al-tawhid, c'est plus tawhid al-ibada. Et un des livres de base c'est l'usul al-thalat, al-qawaid al-arba', kashf shubuhat, kitab al-tawhid, etc. قال هذه رسالة مهمة في العقيدة ألفها الشيخ أبو عبد الله الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي الإمام المشهور المجدد لمن درس من معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر رحمه الله وأكرم مثواه. أولا نبخزنت المؤلف لوتر شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب. Il a fait un khayr azim et il a été la cause de l'expansion de al-da'wa al-salafiyya, de tawhid, fi jazirat al-arab wa fi ghayriha. Il fait partie de a'immat al-islam. La yat'an fihi illa jahil ou haqid. Une personne qui ta'an sur Cheikh al-Islam, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, imma c'est un jahil. Il ne connaît pas de din. Et il répète ce que les autres ils disent, wahhabi, extrémiste, etc. Imma c'est un haqid. من أهل الكفر أو من أهل الأهواء. داي دتست دعوة أهل السنة. Et comme on a dit dans le درس précédent, pour attaquer دعوة أهل السنة, il critique علمائها. Ça c'est واضح. Quand ils veulent attaquer un principe, une cause, ils attaquent ceux qui défendent cette cause. فكثير منهم يطعنون في شيخ الإسلام لأنهم leur but c'est attaquer l'islam. Ils savent très bien que Cheikh l'islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab il est venu faire revivre manhaj al-Nabi alayhi salam. Un, quand on lit les livres de Cheikh l'Islam, on verra, vous verrez, il parle très peu. Il écrit très peu une chose hors des adillah. Très très peu. Quand tu compares ma ja'a fil Qur'an avec ces livres, tu trouves que il appelle aux fondements qui sont cités dans le Qur'an, le tawhid, l'aqida, l'ilm, l'akhlaq, le bon comportement, etc. Rahmatullah alayhi. Et il a plusieurs livres. Et la majorité de ses livres, c'est fait tawhid. Et le livre le plus célèbre qu'il a écrit et le plus profitable, c'est Kitab al-Tawhid. Un kitab azim, jiddan, fi babih. Et ce livre, c'est devenu une référence, ou la référence, fi tawhid Allahi Azza wa Jal. Après le Coran, bien sûr. On parle des livres qui ont été écrits par l'ulama. قال الشيخ عبد العزيز وقد كان رحمه الله يلقن الطلبة والعامة هذه الأصول ليدرسوها ويحفظوها ولتستقر في قلوبهم لكونها قاعدة في العقيدة. نعم رحمة الله عليه faisait apprendre cette risale par cœur à ses élèves, كذلك l'enseignait حتى على العامة. العامة c'est les gens de la masse, c'est pas des طلبة العلم, لكن il faisait des efforts. حتى il y a une version de l'usul al-thalat bi al-lahja al-ammiya. Il y a une version de l'usul al-thalat, elle est propagée, c'est avec la langue des awam. C'est pas la langue littéraire comme celle-là. Ça montre les efforts qu'il faisait. Et ça montre que son but c'était d'enseigner al-tawhid. Il a donné du temps, حتى al-awam, les enfants, ils apprenaient cette risale. قال وكانت وفاته سنة 620 من الهجرة وكان مولده سنة 510 من الهجرة. Et avec les frères, quand on était à Damaj, on avait fait la biographie de Cheikh al-Islam. فيما أذكر في مقدمة كتاب التوحيد. نعم. Avant de commencer l'étude de Kitab al-Tawhid, on avait fait un ou deux cours sur la biographie de Cheikh al-Islam en détail. Celui qui veut les détails, il revient à ses durus ou les livres qui ont été écrits à ce sujet ou et c'est un fait les audios de Ahl al-Ilm. قال فقد عمر 91 سنة. نعم. Il est mort à l'âge de 91 ans. وقد كان عمرا مليئا بالخير والدعوة إلى الله والتعليم والإرشاد والصبر على ذلك. نعم. Sa vie, il l'a consacrée au ilm et à la da'wah. Et il l'a sacrifié au tawhid. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a élevé. Il l'a élevé, il s'est devenu Cheikh al-Islam fi asrihi, rahmatullah alayhi. وَقَدْ أَنْقَذَ اللَّهُ بِهِ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ فِي زَمَانِهِ فِي هَذِهِ الْجَزِيرَةِ. Al-Jazira, avant la venue de Cheikh al-Islam, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, ils étaient revenus, كثير منهم au shirk. Ils adoraient les tombes, ils adoraient les morts. La sorcellerie, elle s'était propagée. Ash-shar. لماذا لأن أهل البدع والضلال il s'était installé في بلاد الحرمين. Cheikh al-Islam, il est venu et أولاً il a analysé et il a compris que le mal c'était بانتشار الشرك. C'est pour ça qu'il a fait des efforts في التوحيد. Et c'est pour ça que la plupart de ses ouvrages c'est في التوحيد. فالجزيرة elle est revenue au tawhid qui était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les a élevés jusqu'à nos jours. Al-Mamlaka al-Arabiya al-Saoudiya al-An, hada al-Balad al-Tayyib, il a été fondé, ce gouvernement et ce bilad, ala da'wati Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab. C'est pour ça que le tawhid il est propagé, et le shirk il est combattu, et Allah subhanahu wa ta'ala, an'am alayhim bil-amn wal-aman, والمال والخير. Tout ça, le fruit de cette da'wa. C'est pour ça que أهل البدع والضلال et أهل الكفر والإلحاد يطعنون في المملكة العربية السعودية الليل نهار. Ils savent très bien qu'ils propagent عقيدة التوحيد et combattent le shirk, et ils savent très bien que الدولة المملكة elle a été basée sur cette da'wa. قال وانتشرت دعوته في غير الجزيرة من الشام ومصر والعراق والهند وغيرها ولله الحمد. Sa da'wa s'est propagée grâce à ses livres et grâce à ses élèves. Tout ça بإذن الله سبحانه وتعالى. l'importance des livres et à notre époque des audios, ça propage le da'wah, et l'importance kadhalik de ses élèves. Le shir, il ne peut pas tout faire tout seul. La preuve, c'est qu'arrivé à un moment, il va mourir. Il ne peut plus propager. Lakin, ses élèves, shir Suleyman, shir Abdurrahman ibn Hassan, tout ça, c'est sa famille, c'est ses enfants, ses petits-enfants. Jusqu'à notre époque, shir Muhammad ibn Ibrahim, al-shir, l'ancien mufti, avant shir Abdelaziz, c'est son kadhalik, sa descendance. Kadhalik, son élève, shir Abdelaziz ibn Baz. Kadhalik, l'actuel mufti, c'est un de ses... Un des descendants de Cheikh al-Islam. Tout ça, une da'wa azim. Il a, walillahi alhamd, fait des efforts, hatta des rijal, ils sont sortis de sa da'wa, et ils ont propagé l'ilm al-nafi'. Et ça s'est propagé l'an jusqu'à nous aujourd'hui. Hatta fi bilad al-kuf, ces rasaïla sont propagés, ces dorous, walillahi alhamd, des frères qui enseignent ces livres, partout. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis de la baraka. Qala bi sabab al-du'at. الذين حملوا عنه العلم وانتقلوا الى تلك البلدان والدول parmi ces ulama Cheikh Abd al-Aziz rahmatullah alayh Cheikh Abd al-Aziz bin Baz il a fait beaucoup d'efforts et il a propagé beaucoup les livres de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab قال وبسبب المكاتب والكتب التي انتشرت منه رحمه الله ومن اتباعه وانصاره والدعاة التابعين له في الدعوه الى الله ses élèves. Et tout ça, c'est fi mizan hasanat al-imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Inch'Allah ta'ala. Nas'alullah an yarhamahu. Wa yarfa' darajatahu fi al-mahdiyin. Qala Cheikh Abd al-Aziz rahmatullah alayhi. Ah, il explique la parole de Cheikh al-Islam qu'on a lu fi al-matn, on la répète. I'lam rahimakallah. أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. Première chose, et ça c'est من حسن التأليف, أنه il fait un دعاء pour toi, الشيخ. اعلم رحمك الله. Et quand العالم il dit اعلم, sache que ce qui vient après c'est important. C'est pour ça qu'il dit اعلم, sache, et pour attirer ton attention. رحمك الله, il te fait un دعاء. Tu pourras pas avancer في دين الله et في العلم. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala il te facilite. Enfin, fais du'a pour toi-même, fais du'a pour tes frères, fais du'a pour ton shir, fais du'a pour les gouverneurs. Fais du'a. C'est miftah kulli khayr ad-du'a. Cheikh al-an il te fait du'a. I'lam rahimakallah. Annahu yajib alayna. Et on est tous concernés. C'est pour ça qu'il dit alayna. Il n'a pas dit alayk ou ala fulan. Non, alayna. On est tous concernés. On doit connaître quatre masa'il, quatre points importants, quatre points essentiels. Qala al-Sheikh Abd al-Aziz, هذه المسائل يجب أن يتعلمها المؤمن والمؤمنة صغارا وكبارا. Petit ou grand, homme ou femme, arabe ou non arabe. On doit tous connaître ces quatre masa'il. Pourquoi? Parce que ces quatre masa'il, vous allez voir, qui va citer une preuve min al-Qur'an il-kel. Il va pas les citer de sa tête, rahmatullah alayhi. Ces livres, les livres de Cheikh al-Islam, comme on a dit et on répète, al-baraka, c'est que c'est des livres qui donnent de l'importance aux adillah, aux preuves, al-Qur'an ou sunnah. C'est pour ça qu'il s'adapte, huwa, au Qur'an et à la sunnah. Il fait pas l'inverse. Ba'd al-nas, ils essayent d'adapter al-Qur'an et sunnah à leur avis. C'est pour ça que tu les trouves, ils citent un verset, tout le monde il explique à sa manière. وَيَنْحَرِفْ أَمَّا عُلَمَا السُنَّةِ est un exemple, هنا Cheikh al-Islam, il s'adapte au dalil. Il a compris le dalil, tout le monde, il cite des choses pour t'expliquer le dalil. Il n'essaye pas d'emmener le dalil à sa version, à son opinion, à son avis. Jamais. C'est pour ça qu'Allah il a mis de la baraka. Il y en a ces livres, c'est une nusra li dinillah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, nasirun abdah. ودينه عز وجل قال الأولى العلم première مسألة qu'on doit tous connaître c'est العلم العلم il l'a expliqué قال وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة et c'est ça الأصول الثلاث les quatre مسائل الآن c'est une introduction dans cette introduction il te cite la première مسألة qu'on doit tous connaître c'est العلم. Et la science, on doit apprendre quoi? Trois fondements. C'est qui Allah? C'est qui son prophète? Et c'est quoi sa religion? Et c'est ça Al-Usul al-Thalath qui va détailler dans cette risala. Et ces trois fondements que tu dois connaître, tu dois appliquer après. Tu connais Allah, tu sais c'est qui Allah, c'est lui qui mérite l'adoration, tu dois l'adorer. C'est ça l'amel qu'on va voir. Le deuxième fondement qu'on doit tous connaître, c'est un Nabi, ma'rifatul Nabi. On sait que c'est Rasulullah, on sait que c'est le dernier des prophètes, on sait qu'il est venu bil-haq, tu dois le suivre. C'est ça l'amel. Le troisième fondement, l'islam, on sait que l'islam s'est fondé sur tawhid. On sait que l'islam c'est une religion qui combat shirk. On sait que c'est fondé sur des piliers. On doit appliquer. C'est ça le but de cette risale. Donc, quatre masa'il, la première masa'la c'est l'ilm. Et ce ilm c'est quoi? Et c'est ça l'ilm nafi'. C'est ma'rifatullah wa ma'rifat nabiyihi wa ma'rifat din l'islam bil adilla. Et tout ça, inshallah, on va y détailler. Qala fa'ala l'insan. Vous avez compris que fil matn il y a un numéro. Et à chaque fois ce numéro, dès qu'on arrive au numéro, ça renvoie à la parole de Cheikh Abdelaziz dans le Shah. Al-Oula, al-Ilm, le petit 3, tu descends en bas, petit 3, et on lit Kalam Cheikh Abdelaziz, bin Baz. Qala Cheikh Abdelaziz, rahimahullah, fa'ala l'insan, an yata'allam wa yatabassar hatta yakoun ala bayinatin wa ya'rif din Allah alladhi khuliqa min ajlih. C'est ça l'essentiel. Premier point, al-Ilm, et on apprend ce Ilm pour savoir pourquoi tu as été créé. Tu as été créé pour un but bien précis. Qala jalla wa ala wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. C'est ça l'ilm nafi'. Tu ne pourras pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala qu'en suivant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça l'asl al-thani. Et cette adoration d'Allah et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça din al-islam, le troisième fondement. C'est muhim. Cette risala est muhim. Jiddan, on doit donner de l'importance, on doit faire des efforts. Et elle est simple. Elle est très simple, c'est pour les débutants. Qala wa hadha al-ilm huwa ma'rifatullah wa ma'rifat nabiyhi wa ma'rifat din al-islam bil adilla. Les trois fondements al-usul al-thalath qu'on va voir inshallah en détail. Fa hadha awwal shay, première chose. Wa lil-asaf kathir min al-muslimin ils connaissent pas ces fondements. Pour lui l'islam c'est une étiquette, rubbama c'est un prénom. Je m'appelle Abdullah, je m'appelle Mohammed. Ses parents c'est des musulmans. Hatta a'da'ullah, ils ont inventé une chose pour les écarter. T'es un musulman pratiquant ou non pratiquant? Na'oudou billah. Est-ce que quelqu'un accepterait sa fi dunya? Est-ce que t'es un docteur, tu pratiques ou tu pratiques pas? Et il a jamais pratiqué, il a jamais appris, il connaît rien, c'est une étiquette. Et on va appeler une catégorie, c'est des docteurs. Des autres, ils ont fait des efforts, ils ont étudié, ils appliquent, c'est des docteurs. Le premier qui applique, c'est un docteur, et l'autre, c'est un kadhab, c'est pas un docteur. Hakadha l'islam. Pourquoi un musulman pratiquant et un musulman non pratiquant? Al-islam, qawlun wa amalun wa i'tiqad. Lakin, c'est pour les écarter. Pour les écarter, annahu, rassure-toi, t'es un musulman, lakin, t'es pas pratiquant. Aïe, pour les gars. Là, l'islam, c'est un dîn, c'est une sharia, c'est un manhaj, c'est une aqida. Et cette risala, inshallah, elle facilite, elle démontre ce point. Qala fa hada awwal shay, an yatabassar al-abd man huwa rabbuh. C'est qui ton Rabb? Ça y est, tu prétends être musulman, on prétend être musulman, on prétend adorer Allah, on prétend que Allah c'est notre créateur. C'est qui Allah subhanahu wa ta'ala? Allah il a des noms, il a des attributs, il a envoyé des messagers, il y a plein de choses que tu dois connaître. Qala fayarif anna rabbahu al-khaliq alladhi khalaqahu wa razaqahu wa azda ilayhi an-ni'am. Ça c'est muhim. Il reconnaît que Allah c'est son créateur, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a guidé, c'est lui qui lui donne, c'est lui qui lui a facilité. Tout ça, ça va impliquer des choses. Tu vas aimer ce créateur, tu vas l'adorer, et inshallah, c'est ça l'islam. Qala wa khalaqa man qablahu wa yakhluq man ba'da. C'est le créateur de toutes choses. Allahu khaliqu kulli shay. Huwa rabbul alamin. Wa annahu al-ilahu al-haqq al-ma'bud alladhi la yastahiq al-ibada siwa abadan. Kadhalik, il reconnaît que ce créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui mérite l'adoration. Comme a dit Azzawajal, Ya ayyuhan nasu, ubudu rabbakum. Al-Rabb, c'est celui qui mérite l'adoration. Cheikh l'Islam, il va traiter ces points. Lakin, ça, c'est une introduction tayyib. Qalu annahu l'ilahu l'haqq al-ma'bud alladhi la yastahiq al-ibadah siwah abadan. La malakun muqarrab, wala nabiyun mursal, wala jinn, wala ins, wala sanam, wala ghayri dhalik. Al-ibada c'est haqqullah. Donc, le premier point, al-ilm, wa huwa ma'rifatullah, et connaître Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur, il a créé toutes choses et il a créé l'ins ou le djinn pour l'adorer. T'as pas le droit d'adorer autre. Celui qui adore autre, il connaît pas Allah. Et celui qui adore autre, c'est pas un musulman. Ça soit un malek, ou un prophète, ou un mort, ou une statue, ou le soleil, c'est interdit. L'adoration, c'est haqqul lillah. Et c'est ce point qui fait rentrer l'islam. Bouniya l'islam ala khams, le premier fondement, le premier pilier, shahadatu an la ilaha illallah. Tu dois témoigner que personne ne mérite l'adoration sauf Allah. Maintenant, un il se prétend musulman et il adore des tombes. Il adore des morts. Il égorge pour les djinns. Il n'a pas haqqaq le premier point. Tout ça, imma c'est par ignorance, imma wal'ayadu billah c'est volontaire. Lakin dans tous les cas, c'est grave. قال بل العبادة حق لله وحده فهو المعبود بحق وهو المستحق بأن يعبد وهو رب العالمين وهو ربك وخالقك وإلهك الحق سبحانه وتعالى. نبذة مختصرة. La réponse, أي connaître Allah, c'est qui Allah عز وجل, c'est ton créateur, c'est le créateur de toutes choses, il mérite l'adoration, tu dois l'adorer. هذا chaque musulman, chaque être humain doit reconnaître هذا. قال فتعرف هذه المسألة الأولى وهي أن تعرف ربك ونبيك ودينك بالأدلة. Première مسألة et on répète, c'est les trois fondements. شيخ الإسلام, ce point نحن on va pas détailler le 1. Les trois fondements, les la risala, c'est fait que pour ça. Il va les citer un par un et il va détailler. قال قال الله وقال الرسول لا بالرأي ولا بقول فلان. Et ça c'est important. C'est quoi dinu l'islam? Cheikh l'islam, awalan, il a précisé ma'rifa din l'islam bil adilla. Ça te montre que ba'd an-nas, ils ont une compréhension de l'islam, c'est pas avec les preuves. Ce qu'ils ont inventé a'da'ullah al-an, l'islam de France. Nous, on veut pas l'islam de France, on veut l'islam de Allah subhanahu wa ta'ala. Qala 'azza wa jalla, inna ad-dina 'inda Allah al-islam. Ce islam, il est fondé sur tawhid. Il est fondé sur al-wala wal-bara. Il est fondé sur al-'amal, on doit faire des œuvres. Il est fondé sur le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'islam de France, pour vous montrer un comparatif, pour vous montrer al-dhalal, l'islam de France, t'adore qui tu veux. La fraternité, on est tous des frères, on est tous égaux. Tu fais du shirk, tu fais du tawhid, c'est pas leur problème. Aïe, un islam qui les dérange pas. Les anna islam, al-islam, al-haq, ça les dérange. Les annahum, c'est des mushrikoun, c'est des kafara, et ils savent très bien que da'watullah, c'est contre le shirk ou le kufr. Alors, nous, en tant que musulmans, on doit apprendre l'islam bil adilla. Pas comme tu l'as compris toi, ou comme ils l'ont compris eux. C'est quoi l'islam? Et ce islam, il a des sources, le Coran ou le Sunnah. Et ça, c'est important. Si tu veux apprendre ton din, toujours tu dois demander c'est quoi le délil. Moi, je veux apprendre, je suis musulman, je veux apprendre mon din comme Allah subhanahu wa ta'ala, il aime. Et comme son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a démontré. Maintenant, tu vas aller chez Shia al-Rawafid, al-Zanadiqa, ils ont une compréhension de l'islam. Pour eux, l'islam, c'est détester le sahaba et tu dois aimer Ali, suivre Ali. Bikhtisar. Ça, c'est pas l'islam dinullah. L'islam, c'est bil-adillah. Qala Allah, qala al-Rasul. Falihada, Cheikh bin Baz, qala la bil-ra'i, wa la bi-qawli fulam. Mais l'insan, il peut se tromper. Nahnu, on veut l'islam, la révélation, comme c'est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le savant, ou le shir, ou fulan, peut se tromper. Il peut se tromper. Enfin, nous, toujours, notre but, c'est de revenir au adillah. Et tu ne pourras pas revenir aux preuves que si tu reviens aux savants qui connaissent les preuves. Et ça, ça montre, et c'est un point essentiel, si tu veux comprendre ces trois points, ma'rifatullah, ma'rifat al-nabi, ma'rifat din l'islam bil adillah, et les trois fondements qu'on va étudier, tu reviens aux savants de l'islam. Al-jahmiya al-dullal, ma'rifatullah pour eux, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de nom, il n'a pas d'attribut. Tu ne dis pas il est au-dessus, tu ne dis pas il est en dessous, à droite, à gauche, tu ne dis pas il est semi, alim, il est basir, c'est arhamur rahimin, tout ça tu ne dis pas. Et il n'existe pas, fil haqiqa wa l'ayadu billah. Al-asha'ira kadhalik. Pour eux, si tu dis qu'Allah il a des mains, tu as fait ressembler aux créatures. Donc Allah il n'a pas de mains. En fait, les mains c'est le ni'ma, c'est le qudra. Et il t'égare. Ah, ben, c'est important. Tu reviens au savant de l'islam, il t'explique les noms et les attributs. Allah il a des noms, il a des attributs et il ne ressemble pas aux créatures. قال الشيخ بن باز بالأدلة من الآيات والأحاديث وذلك أو ذلك هو دين الإسلام الذي أنت مأمور بالدخول فيه. Ce islam qu'on doit suivre, on a été ordonné de suivre, il est fondé sur l'adil. Donc, on peut accepter la parole de quiconque ou la rejeter, tout ça c'est pour rapport au délit. Comme أخبر الإمام مالك رحمة الله عليه. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال وهو عبادة الله الذي قال فيها سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة هي الإسلام. Donc ce islam c'est adorer Allah عز وجل. C'est pas satisfaire les gens. Tu le vois ça dans leur islam de France. Il te dit islam de France, Thomas, il t'interdit l'adhan, il t'interdit al-rihla ila talab al-ilm, ils interdisent le hijab, ils interdisent plein d'ibada. Pourquoi tu dis islam de France? Là, dis je combats l'islam et je veux pas l'islam. Bi'tisar. Nahnu al-islam, c'est dit, Allah, il est fondé sur ad-dalil. Et on doit adorer Allah, c'est ça l'islam. Et l'adoration, elle a accepté que bi'tawhid. Et l'adoration, elle a accepté que si tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'islam, pour résumer, c'est at-tawhid. Et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça l'islam. Si tu veux être musulman, haqq, c'est deux choses. Et vouloir satisfaire le kafara, comprendre l'islam comme ils veulent eux, tu feras du mal à ton din et rubbama, t'auras pas, et c'est sûr, tu comprendras pas l'islam au sahih. قال وهي طاعة الله ورسوله كما ذكرنا. Bien sûr, l'obéissance à Allah et son messager. والقيام بأمر الله وترك محارمه. Donc ce islam, il nous montre qu'on a des limites, des choses qui sont autorisées halal, des obligations kadhalik, et des choses qui sont interdites, qui sont déconseillées kadhalik al-muharram. Wa man yata'adda hudud Allah faqad zalama nafsahu. Celui qui suit pas ses limites, il se fera du mal à lui-même. قال هذه هي العبادة التي خلق الناس لأجلها وأمر الله بها الناس في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يعني عبدوه بطاعة أو بطاعة أوامره واجتناب نواهيه وإسلام الوجه له وتخصيصه بالعبادة سبحانه وتعالى. الإسلام ستستسلم لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ستسمت الله بالتوحيد لي أبير سكرتي دو الشرك ديتستي الشرك وديتستي المشركين. سيسا الإسلام. Et Inch'Allah, on verra ça en détail dans Al-Asl Al-Thalit Al-Islam. Inch'Allah, le prochain dars, on continue cette introduction. Subhanak Allahumma hamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.